Aujourd'hui, vendredi le 14 avril, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. En ce vendredi saint, ce jour spécial où on entre dans le week-end de Pâques et où on veut surtout se rappeler ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous. Merci d'être avec nous ce matin, en ce jour 104 de nos lectures bibliques. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu'on était jeune, on avait toujours l'habitude d'écouter le film de Jésus. Donc, en fait, écouter le film qui racontait la vie de Jésus puis jusqu'à sa mort. On l'écoutait toujours à chaque Vendredi Saint. Et puis, je trouve que c'était peut-être pas une si mauvaise habitude, en fait, parce que ça nous permet au moins de réfléchir, de s'arrêter, puis de prendre le temps de se rappeler toutes les souffrances qui ont mené à la mort de Jésus. Cette mort qu'il a vécue pour nous, par amour. Donc, je vous souhaite peut-être aujourd'hui de pouvoir prendre le temps, d'une façon ou d'une autre, que ce soit peut-être en participant à un culte du Vendredi Saint ou en prenant un temps de méditation personnelle un peu plus spécial, qu'on puisse vraiment se rappeler, puis s'arrêter pour constater la grandeur de ce geste-là, de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, commençons notre lecture. Nous lisons aujourd'hui dans la version français courant. Nous commençons avec notre premier texte, toujours dans Josué. Nous lirons le chapitre 9, verset 1, jusqu'au chapitre 10, le verset 27. La nouvelle de la destruction d'Aï parvint aux rois de toutes les régions situées à l'ouest du Jourdain. Dans la région montagneuse, le bas pays et la plaine côtière qui s'étend le long de la Méditerranée jusqu'au Liban. Alors Hittites, Amorites, Cananéens, Périsites, Hivites et Jébusites se liguèrent pour combattre Josué et les Israélites. Les habitants de Gabaon, des Hivites, apprirent eux aussi comment Josué avait traité les villes de Jéricho et d'Aï. Mais pour leur part, ils décidèrent d'avoir recours à la ruse. Ils préparèrent des provisions, chargèrent leurs ânes de sacs usés et de vieilles outres à vin déchirées et rapiécées. Ils mirent des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées, et prirent avec eux du pain sec et réduit en miettes. Ils se rendirent au camp de Gilgal et s'adressèrent à Josué et aux Israélites. « Nous venons d'un pays lointain et vous demandez de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites leur répondirent, « Peut-être vivez-vous tout près de nous ? Dans ce cas, il ne nous est pas possible de conclure une alliance avec vous. » Ils déclarèrent à Josué, « Nous sommes prêts à nous mettre à ton service. »« Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous ? » leur demanda Josué. Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes venus d'un pays très lointain parce que nous avons entendu parler du Seigneur ton Dieu. » Nous savons les prodiges qu'il a accomplis en Égypte et le traitement qu'il a infligé aux deux rois amorites qui vivaient de l'autre côté du Jourdain. Sihon, le roi de Heshbon, et Og, le roi du Bashan, qui résidait à Ashtaroth. Nos anciens et tous nos compatriotes nous ont conseillé de prendre des provisions de route et de venir vous trouver. Ils nous ont dit de nous mettre à votre service en vous demandant de conclure une alliance avec vous. Regardez notre pain. Lorsque nous l'avons pris avec nous en quittant nos maisons pour venir ici. Il était encore chaud, maintenant le voilà tout sec et réduit en miettes. Et ces outres, lorsque nous les avons remplies de vin, elles étaient neuves, maintenant les voilà toutes déchirées. Nos vêtements et nos sandales sont de même complètement usés à cause du long voyage que nous avons fait. Les Israélites acceptèrent de manger une part de leurs provisions, mais ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet. Josué conclut avec eux une alliance de paix qui leur garantissait la vie. Les responsables du peuple la confirmèrent par un serment solennel. 3 jours après avoir conclu l'alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils étaient en réalité leurs voisins. Ils se mirent en route et au bout de 3 jours, ils arrivèrent dans les villes où ces gens vivaient, Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath Yéharim. Cependant, ils ne les tuèrent pas, car les responsables du peuple d'Israël leur avaient fait un serment solennel au nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Tous les Israélites se mirent à protester contre leurs responsables, mais ceux-ci leur répondirent « Nous ne pouvons pas maltraiter ces gens puisque nous leur avons fait un serment solennel au nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Nous devons les laisser en vie à cause de notre serment, sinon nous attirerions la colère du Seigneur sur nous. Mais voici comment nous les traiterons. Tout en leur accordant la vie sauve, nous les chargerons de couper du bois et de puiser de l'eau pour nous. » Telle fut la proposition des responsables. Josué convoqua alors les Gabaonites et leur dit « Pourquoi nous avez-vous trompés en affirmant que vous veniez de très loin, alors que vous vivez tout près de nous? Maintenant, vous êtes maudits. Vous ne cesserez jamais d'être tous des esclaves. Vous couperez du bois et puiserez de l'eau pour le temple de mon Dieu. » Les Gabaonites répondirent « Voici pourquoi nous avons agi ainsi. Nous avons appris que le Seigneur ton Dieu a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et que vous deviez exterminer ses habitants. Nous avons eu très peur de vous et nous avons craint pour nos vies. Maintenant, nous sommes en ton pouvoir. Traite-nous comme tu le jugeras bon. » Voici ce que leur fit Josué. Après avoir empêché les Israélites de les tuer, il leur imposa la charge de couper du bois et de puiser de l'eau pour le peuple d'Israël, pour l'autel du Seigneur, à l'endroit que le Seigneur choisirait. Aujourd'hui encore, leurs descendants exercent ces fonctions. Adoni-Sédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et avait complètement détruit la ville, en agissant envers elle et son roi comme il avait agi envers Jéricho et son roi. Il apprit aussi que les Gabaonites avaient passé un accord de paix avec les Israélites et vivaient parmi eux. Ces nouvelles causèrent une grande terreur à Jérusalem, car la ville de Gabaon, plus grande que celle d'Aï, était aussi importante que les villes royales et ne comptait que de vaillants soldats. C'est pourquoi Adoni-Sédek envoya des messagers à Oham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Yarmouth, à Yafia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon, pour leur demander ceci. « Venez m'aider à attaquer Gabaon, car ses habitants ont conclu un accord avec Josué et les Israélites. » C'est ainsi que 5 rois amorites, ceux de Jérusalem, Hébron, Yarmouth, Lachish et Églon, s'allièrent pour partir en expédition avec toutes leurs troupes. Ils assiégèrent Gabaon et l'attaquèrent. Les Gabaonites firent dire à Josué au camp du Gilgal, « Ne refuse pas ton aide à tes serviteurs, viens vite à notre secours et délivre-nous. » Tous les rois amorites de la région montagneuse se sont ligués contre nous. » Aussitôt, Josué quitta le Gilgal avec ses soldats d'élite et toute l'armée. Le Seigneur lui déclara, « N'aie pas peur d'eux. Je vais les livrer en ton pouvoir. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Après avoir marché toute la nuit depuis le Gilgal, Josué et ses troupes attaquèrent les amorites à l'improviste. Le Seigneur mit les Amorites en déroute devant les Israélites. Ceux-ci leur infligèrent une terrible défaite près de Gabaon. Ils les poursuivirent sur la montée de Beth-Horon, puis continuèrent à les harceler jusqu'à Azeka et Makeda. Lorsque les Amorites, en fuite devant les Israélites, descendirent de l'autre côté de Beth-Horon, le Seigneur fit tomber d'énormes grêlons sur eux. Ils en reçurent jusqu'à Azeka et il y eut plus d'hommes tués par les grêlons que par les épées des Israélites. Le jour où le Seigneur livra les Amorites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Il s'écria, « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur le val d'Ayalon. » Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il est écrit dans le livre du Juste, le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y eut de jour semblable à celui-là, où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournèrent au camp du Gilgal. Cependant, les cinq rois amorites s'étaient enfuis et réfugiés dans la grotte de Makkéda. On découvrit qu'ils étaient cachés dans cette grotte et on vint en informer Josué. Celui-ci ordonna à ses hommes « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des gardes. Mais ne vous attardez pas là, poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite pour les empêcher de rejoindre leur ville. En effet, le Seigneur votre Dieu vous les a livrés. » Josué et les Israélites finirent par infliger aux Amorites une très grande défaite, une défaite totale. Seuls quelques fuyards purent échapper au massacre et regagner leur ville fortifiée. Après quoi, tous les Israélites retournèrent sains et saufs auprès de Josué, au campement établi près de Makkéda. Plus personne dans le pays n'osait prononcer un mot contre eux. Ensuite, Josué ordonna de dégager l'entrée de la grotte et de faire sortir les cinq rois amorites pour les lui amener. Son ordre fut exécuté et on conduisit auprès de lui les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish et d'Églon. Dès que ceux-ci furent devant lui, Josué convoqua les Israélites et dit aux chefs des troupes qui s'étaient battus à ses côtés, « Venez poser le pied sur le cou de ces rois. » Les chefs obéirent et Josué leur déclara, « N'ayez aucune crainte et ne vous laissez pas abattre. Soyez courageux et forts. Le Seigneur traitera de la même manière tous les ennemis que vous aurez à combattre. » Après quoi, Josué exécuta les rois et les fit pendre à cinq arbres où leurs corps restèrent jusqu'au soir. Au coucher du soleil, il ordonna de descendre les cadavres. On les jeta dans la grotte où les rois s'étaient cachés et on boucha l'entrée avec de grosses pierres qui s'y trouve encore aujourd'hui. Enchaînons avec la lecture du psaume 83. Chant. Psaume appartenant au recueil d'Asaph. Ô Dieu, ne t'accorde aucun repos, ne garde pas le silence, ne reste pas inactif. Voici tes ennemis qui s'agitent, ceux qui t'en veulent ont relevé la tête. Ils trament un complot contre ton peuple, ils se concertent contre tes protégés. Allons, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Ils se consultent et sont tous d'accord pour conclure une alliance contre toi. Ce sont les gens d'Édom et d'Ismaël, ceux de Moab, d'Agar et de Gébal, les Ammonites et les Amalécites, les Philistins et encore les gens de Tyr. Même les Assyriens se sont joints à eux pour prêter main forte aux descendants de Lot. Ô Dieu, traite-les comme Sisra et Yabin au torrent de Kishon, ou comme les Madianites, exterminés à la fontaine de Dor et laissés comme du fumier sur le sol. Traite leurs princes comme Horeb et Zeb, et tous leurs chefs comme Zeba et Salmouna, ces gens qui avaient déclaré « Emparons-nous du domaine de Dieu ». Mon Dieu, fais qu'ils aient le même sort que la graine de chardon ou les fœtus de paille emportés par le vent. Comme un feu dévore une forêt, comme une flamme embrase les montagnes, lance une tempête à leur poursuite, terrifie-les par ton ouragan. Fais-leur monter la honte au front pour qu'ils se tournent vers toi, Seigneur, qu'ils soient humiliés, épouvantés sans fin, que leurs espoirs soient déçus, qu'ils dépérissent et qu'ils sachent alors qui tu es, Seigneur, le seul Dieu très haut sur toute la terre. Proverbes chapitre 12, versets 19 et 20. Une affirmation vraie reste toujours valable, mais les mensonges ne tiennent qu'un instant. Ceux qui projettent le mal ont le cœur plein de fausseté. Ceux qui conseillent le bien en retirent de la joie. Et nous achevons déjà notre lecture d'aujourd'hui avec un nouveau livre que nous commençons ce matin. Donc, nous commençons l'Évangile de Luc.

tout comme Zacharie qui n'a pas cru à ce qui lui avait été annoncé, qui a douté que ce soit vraiment vrai. Seigneur, on doit reconnaître que parfois nos cœurs doutent eux aussi. Pardonne-nous, Père éternel, pour ces doutes. Pardonne-nous nos cœurs qui ne sont pas remplis de confiance et d'abandon à toi. Pardonne-nous, Seigneur, parce que tout comme le peuple d'Israël, souvent on néglige d'avoir recours à toi. On néglige de te consulter et de passer du temps dans la prière par rapport à des décisions qu'on doit prendre, par rapport au cours de nos vies, Seigneur. Pardonne-nous de négliger trop souvent de tout remettre devant toi, de chercher ta sagesse, ta volonté. Oui, Père éternel, merci parce que tu ne nous laisses pas dans notre misère et dans notre péché. Mais merci parce que tu as pitié de nous, parce que tu nous aimes, parce que tu nous relèves, parce que tu nous pardonnes et que tu es tellement patient avec nous. Comme on a lu ce matin, Seigneur, on voit que malgré les Israélites qui avaient négligé de te chercher, tu as été avec eux. Tu les as menés à la victoire et tu as assujetti tous les peuples à eux. Tu as écouté Josué, Seigneur, comme jamais auparavant, ni jamais depuis. Tu as agi comme te l'avait demandé un homme. Tu as combattu aux côtés de ton peuple, Seigneur. Ça nous montre ta grande compassion et ta grande fidélité envers nous, envers ton peuple. On te remercie, Père éternel. On veut particulièrement aujourd'hui, alors que nous sommes le jour du Vendredi Saint, te remercier pour Jésus. Pour Jésus que tu as envoyé, pour sa vie sur la terre, pour ses enseignements, mais surtout pour son sacrifice. Seigneur, lui qui n'a pas ouvert la bouche, qui s'est livré comme un agneau à l'abattoir. Seigneur, merci pour Jésus et pour toutes les souffrances qu'il a endurées à notre place. Seigneur, je te prie que tu puisses bénir cette fin de semaine qui commence. Bénis chacun de nous qui nous écoute ce matin. Bénis-nous alors que plusieurs seront à l'extérieur ou dans leur famille à fêter ensemble ta résurrection et ta vie. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, et rends-nous obéissants et sages. Seigneur, aide-nous à ouvrir la bouche et à partager la bonne nouvelle de ton Évangile, la bonne nouvelle de ta résurrection. Et Père, on te prie pour les chrétiens qui sont persécutés. On te demande, Seigneur, la protection en cette fin de semaine, alors que on l'a vu lors du dimanche des rameaux, il y a eu des attentats qui se sont produits contre des églises chrétiennes. On te prie, Seigneur, que tu puisses protéger ton peuple lors de ce dimanche de Pâques. Et on te prie d'être avec les chrétiens persécutés, ceux qui ont perdu des gens, ceux qui se font maltraiter, qui perdent tout à cause de toi, Seigneur. Puisses-tu être leur soutien. Et vraiment, on les remet entre tes mains. Merci pour ta parole qui nous dit de n'avoir aucune crainte et de ne pas nous laisser abattre. Et on te demande que tu puisses nous aider à être courageux et forts. Et Seigneur, c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on t'a prié ce matin, que ta parole puisse pénétrer profondément dans nos cœurs et nous faire grandir en toi. Amen.